c'est Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, grandeur et misère de la CIA. Je me rappelle un de vos grands du renseignement, le général Rivet, qui a été le chef du service de renseignement pendant la guerre, a une phrase immortelle que je voudrais pouvoir traduire dans un contexte anglais, qui est la suivante. Les services de renseignement ne défilent jamais sous l'arc de triomphe. Le président Kennedy nous l'a dit d'une autre façon lorsqu'il est venu là-bas. Il a donné une photographie dans laquelle il a dit « Vous êtes condamné à avoir tous vos échecs publiés à corps et à cri et tous vos succès passés sous silence. » Le directeur adjoint de la CIA au début des années 70, le général Walters, qui rappelle une vérité de la palisse à la radio française, la nature même d'un service secret est de rester secret. L'histoire de la CIA sera donc étroitement liée à cette culture du secret, une culture bien sûr qui fait partie de la nature même de l'organisation, mais une culture également qui va servir très souvent à cacher des méthodes d'intervention indéfendables dans un pays qui se veut et se déclare l'une des plus grandes démocraties du monde. Karine Prémont, bonsoir. Bonsoir. Karine, vous enseignez, je le rappelle, la science politique à l'Université de Sherbrooke, habituée de l'émission Aujourd'hui l'Histoire. On est content de vous recevoir à nouveau ce soir. Ça commence quand? Pourquoi est-ce qu'on crée la CIA et quand est-ce qu'on la crée, cette organisation, cette agence? La CIA va être créée en 1947. C'est le président Truman qui va la créer. Et c'est grosso modo les nécessités de la nouvelle guerre froide là, qui s'installe tranquillement. Enfin, on parle pas encore de guerre froide précisément en 1947, mais on sent venir cette rivalité avec l'URSS à l'horizon. C'est l'après-guerre. C'est l'après-guerre. Donc, on sent la nécessité d'avoir un système de renseignement permanent, en fait, aux États-Unis. Et c'est ce qui va inciter le président Truman à créer la CIA. Bon, l'ancêtre immédiat de la CIA, par ailleurs, est créé quelques années auparavant, en pleine guerre mondiale, en pleine seconde guerre mondiale. C'est l'OSS, l'Office of Strategic Services. Oui, exactement. Donc, ça, c'est effectivement une agence qui s'occupe d'espionnage, de propagande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des Américains, des Britanniques qui sont associés, quelques Canadiens. Donc, c'est pas une agence strictement américaine, mais c'est vraiment créé ponctuellement pendant la guerre froide, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pardon. Effectivement, il y a quelques personnalités, on va apprendre, qui auront été des agents au sein de l'OSS, notamment le réalisateur de cinéma John Ford, qui va filmer par la suite les procès de Nuremberg. Donc, il va être très près des alliés à ce moment-là. Ah bon. Et puis, vous le disiez, mais pas que des Américains. Je dirais une inspiration plutôt britannique, est-ce plutôt que je me trompe? Oui, hein. Effectivement. On s'inspire des services secrets britanniques. Tout à fait, oui. Ouais, c'est vraiment exactement ça qui est au cœur de cette organisation. La CIA, on y revient, donc, création en 47, il y aura énormément de directeurs. Souvent, ils sont là en poste peu de temps, 2-3 ans, des fois un peu plus longtemps. À peu près, oui. Si on regardait un peu quelles sont les figures marquantes, les directeurs de la CIA, donc, qui vont marquer l'organisation. Bien, il y en a eu plusieurs. Évidemment, on n'est pas dans une situation de directeur mythique à la J. Edgar Hoover, comme on voit au FBI. La CIA, c'est plus discret un peu. Et les directeurs ont été généralement un peu plus discrets également. Par exemple, un des premiers directeurs, c'est Alan Dulles, sous Eisenhower, qui a été directeur de la CIA. Il avait un des avantages suivants, c'est-à-dire qu'il était le frère du secrétaire d'État. Donc, il y avait beaucoup de pouvoir concentré dans cette famille-là. Il avait une autre particularité très fondamentale à cette époque-là. Il était actionnaire de la United Fruit. Et la United Fruit est une entreprise alimentaire américaine bien implantée en Amérique latine. Et c'est pas sans lien avec les interventions de la CIA en Amérique latine pendant les années 50-60, notamment au Guatemala, par exemple, à Cuba aussi. Donc, Dulles va beaucoup s'intéresser, en fait, à garder un peu le contrôle de la politique sud-américaine, qui doit vraiment rester dans la lignée de la politique américaine. On peut penser aussi à Stansfield Turner. Juste un petit mot aussi sur Dulles. Il ne faut pas oublier de dire, c'est l'homme, Dulles, de la baie des cochons. Exactement. Et c'est lui qui va initier cette initiative-là. C'est lui qui va mettre en place, qui va penser cette opération de la CIA à Cuba en 1961. Et c'est lui qui va forcer la main de Kennedy. Ça marchera pas du tout. Et c'est lui qui va forcer la main de Kennedy, en fait, qui n'y croyait pas tellement, mais c'était dans la transition entre Eisenhower et Kennedy en 1960. Le plan était déjà détaillé. Il va forcer Kennedy à l'accepter et Kennedy, à la dernière minute, va se retirer et ça va donner le fiasco de la baie des cochons tel qu'on le connaît, effectivement. Autre figure intéressante, donc Stansfield Turner. Oui, Stansfield Turner sous Carter sera pas là très longtemps, mais c'est lui qui va vraiment initier un virage technologique au sein de la CIA. Il va mettre beaucoup l'accent sur la surveillance par satellite, notamment par les communications électroniques également. Donc tout ça va donner un petit élan plus discret encore à la CIA, qui sera pas toujours obligé d'aller sur le terrain à ce moment-là, qui va pouvoir collecter de l'information, parce qu'il faut pas l'oublier, la CIA est surtout un organe de collecte de données. Mm-hmm. Alors on va pouvoir le faire à ce moment-là par le biais de technologies un peu plus de pointe. Et ça va permettre à la CIA de s'étendre encore un peu plus sans que ça paraisse trop. Je disais, Karine Prémont, souvent ils sont là peu de temps, les oui. directeurs de la CIA. Il y en a un, William Casey, mm-hmm. qui va être là de 81 à 87 durant les deux oui. mandats de Ronald Reagan. C'est d'ailleurs le seul directeur de la CIA qui sera là pendant les deux mandats d'un président. Et ça va lui donner une emprise particulière sur le président Reagan, bien évidemment. C'est lui notamment qui va convaincre Reagan que l'URSS est derrière les actions terroristes dans le monde. Et ça faisait pas du tout l'unanimité, non seulement au sein de la CIA, mais au sein de l'administration Reagan. Mais il va réussir à convaincre le président de ça. Et ça va colorer de façon très claire la politique étrangère de Reagan à l'égard de l'URSS. Il va être aussi impliqué dans les activités plutôt illégal, je vous dirais, au Nicaragua, dans les années 80. Donc, lui aussi, c'est une figure assez importante qui va marquer non seulement la CIA, mais surtout la politique étrangère mm-hmm. et la sécurité des États-Unis. Et ces deux histoires qui se recoupent constamment, l'histoire de l'agence, de la CIA et la politique étrangère américaine, oui. Parfois de manière douteuse, on va y revenir, oui. parce qu'il y a des petits fils, des petits scandales qui pendent au bout de la CIA, mm-hmm. et on en parlera dans l'émission. George Tenet, le dernier des directeur vraiment important dont il faut parler, c'est sous George W. Bush, donc, qu'il est directeur de la CIA de 1997 à 2004, et c'est évidemment l'homme de l'échec du 11 septembre 2001. Today, I share with you the news that I gave the president last evening. I've decided to step down as director of Central Intelligence effective July 11th, the 7th anniversary of my being sworn in as DCI. George Tenet, donc, qui annonce sa démission, on vient de l'entendre, comme directeur de la CIA le 3 juin 2004. C'est vraiment une période sombre de la CIA, celle de George Tenet. D'abord, évidemment, cet échec du 11 septembre 2001, c'est fondamental. C'est fondamental parce que George Tenet, quand il arrive en poste, ce qu'il veut, c'est redonner à la CIA sa mission première, c'est-à-dire éviter un autre Pearl Harbor. C'était ça l'objectif ultime à la création de la CIA. Et là, Tenet est vraiment dans cette mouvance-là en disant c'est à ça qu'on sert. Mm-hmm. Et le 11 septembre survient. Évidemment, tout n'est pas de sa faute. Il ne le voit pas venir. Et c'est pas uniquement de sa faute. À sa défense, les services de renseignement à ce moment-là sont tout à fait chaotiques. On aura peut-être l'occasion d'en parler tantôt, mais il n'y a pas qu'une agence de renseignement aux États-Unis. Il y en a presque une vingtaine. Mm-hmm. Il y a des départements, les corps d'armée également qui font du renseignement. Alors, tout ça était devenu extrêmement compliqué et chacun garde jalousement, évidemment, son précaré et ne partage pas ses informations. Et c'est ça que le 11 septembre va révéler, c'est cette absence de communication, c'est ce fouillis ouais. incommensurable du renseignement américain. Et après, à partir de ce moment-là, effectivement, il y aura des ajustements qui seront mmh. faits, mais Tenet va devoir porter le poids de ça. Et Tenet va porter d'autres poids aussi pas tellement intéressants, mmh. notamment, c'est lui qui va, parmi d'autres, bien sûr, convaincre George W. Bush de la présence d'armes de destruction massive en Irak. Il va parler d'un cas en béton, on parle de slam dunk. Mm-hmm. On est très, très convaincu qu'il y a des armes de destruction massive. Et c'est le dossier dont va se servir un Colin Powell, par exemple, devant les Nations Unies, là. Exactement. Ça va servir à alimenter, en fait, cette idée selon laquelle il faut faire quelque chose et il faut aller en Irak rapidement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va démissionner, alors que des armes de destruction massive, on n'en a pas encore vu à ce jour. Ouais. Alors, mais encore une fois, ça fait partie des défaillances de l'agence à ce moment-là. On a des informations parcellaires, on les partage pas avec les autres agences de renseignement. Alors, on est obligé de relier des points comme ça, sans trop savoir où ils sont précisément sur la carte. Alors, ça donne ce genre d'erreur-là qui est tout à fait colossale. Et puis, allégation, puis en fait, on verra, ce sera avéré, mais on est dans les années 2000, oui. cas de torture à la suite du 11 septembre 2001. Donc, exact. L'Irak, l'Afghanistan, la CIA va se prêter, va utiliser des techniques de torture. Là. Oui, et ça a été démontré en long et en large par le rapport du Sénat sur les activités de la CIA. Donc, et c'est sorti tout récemment, là, mm-hmm. 2014-2015, 2015, là, on a des bribes de ces rapports-là. Et en fait, là, on a les documents en entier qui nous indiquent qu'effectivement, les techniques d'interrogatoire de la CIA impliquaient la torture. On n'est pas nécessairement remonté jusqu'à la Maison-Blanche, mais c'est implicite qu'à la Maison-Blanche, on avait accepté ce genre de technique-là. Bon, un tout petit mot sur deux ou trois autres directeurs qui n'ont pas la même importance que ceux dont on vient de parler, mais quand même qui valent la peine qu'on s'y arrête un petit instant. Ben, John McCone, premièrement, qui était le directeur de la CIA sous Kennedy et Johnson, il est intéressant à l'heure actuelle parce que on commence à déclassifier ses documents, on commence à ouvrir un peu ses archives et on se rend compte des actions qui l'a mené pour tenter de camoufler les erreurs de la CIA qui auraient mené à l'assassinat de Kennedy. On en avait déjà parlé ensemble quand on a discuté de l'assassinat de Kennedy. Et là, ces documents-là sont très importants pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, pour essayer de voir justement quel est le lien de la CIA avec l'assassinat de Kennedy. On peut penser à George H. Bush, donc le père de W, qui est le seul directeur de la CIA qui est devenu président. Mm-hmm. Alors, on l'oublie, il a été directeur de la CIA sous Gerald Ford, donc mais pas très longtemps. Mais presque pas, ouais, c'est pas ça, une longtemps. Année. Mais Ford a été là, je pense, 18 mois. Donc, forcément, George H. Bush n'est pas resté là très longtemps. Mais donc, c'est quelqu'un, comme président, qui avait une sensibilité particulière à l'information qu'on lui transmettait, une connaissance assez fine de ces informations-là. Et peut-être plus anecdotique, David Petraeus, sous Obama, qui était, je le rappelle, le commandant de la force internationale en Afghanistan, donc un militaire de haut rang, qui a été nommé par Obama à la tête de la CIA et qui a dû en démissionner pour des raisons plutôt personnelles, c'est-à-dire en raison d'une relation extra-conjugale avec sa biographe. Alors, je dirais qu'il y a eu un bris de confiance à ce moment-là avec l'administration Obama. Bon, revenons sur la grande histoire de la CIA. La CIA, à l'époque de la guerre froide, Karine Prémont, c'est vraiment l'âge d'or de l'organisation. Certains vont même parler de la CIA comme du ministère de la guerre froide. Et c'est tout à fait compréhensible dans la mesure où la guerre froide va devenir le terrain de jeu de la CIA, c'est-à-dire que la CIA va pouvoir s'étendre de façon spectaculaire et plutôt imprévue, parce que je suis pas certaine que Truman avait nécessairement l'esprit, ce qui est devenu la CIA quand il l'a créée, mais avec justement les événements de la guerre froide, ça va permettre à la CIA d'étendre ses activités. Le climat de suspicion va justifier également un paquet d'opérations plus ou moins légales, même certaines franchement illégales. Donc, effectivement, la guerre froide va permettre à la CIA de faire à peu près ce qu'elle veut pendant un certain nombre d'années sans rendre de compte à grand monde, et ça donnera lieu éventuellement à des dérapages, on pourra certainement en reparler. Oui, opération clandestine carrément, il y a des régimes en place qui font pas notre affaire, la CIA intervient, s'arrange pour que ces régimes soient renversés. Un premier cas, celui de Salvador Allende, le Chili en 1973. On écoute John D. Marks, auteur d'un ouvrage sur la CIA qui est interviewé en 1974 par le journaliste Lucien Millet. On peut dire que la CIA a dépensé plus de 8 millions de dollars et que 7 millions de dollars étaient magnifiés par le marché noir au Chili, peut-être par 4 ou 5 fois. C'est-à-dire qu'il y a une valeur de 40 ou 50 millions de dollars qui étaient dépensés contre le gouvernement chilien. Pour déstabiliser l'économie, pour faire du sabotage économique en particulier ou à toutes sortes d'autres fins? Je pense que c'était pour le faire impossible que le gouvernement chilien puisse gouverner, quoi. Il n'y a pas une contradiction entre cette politique et la politique de détente que M. Kissinger vante constamment? Il semble que la politique de détente est avec les Russes et les Chinois, pas vers le Troisième Monde. Et que peut-être nous avons décidé avec les Russes que les Russes peuvent faire les choses comme la Tchécoslovaquie et dans l'Amérique latine, c'est le petit monde des États-Unis. L'Amérique latine, Karine Prémont, qui est le petit monde des États-Unis, c'est intéressant ça. C'est vrai que il y a comme deux niveaux là. Oui, l'ennemi russe, l'adversaire russe, la Chine qui monte, mais la cour arrière là. Il y aura beaucoup, beaucoup d'interventions comme celle du Chili par la CIA qui seront menées en Amérique du Sud, en Amérique latine. Oui, parce que l'Amérique latine, depuis, on peut remonter à la doctrine Monroe là, qui dit que c'est la cour arrière effectivement des États-Unis, c'est dans la sphère d'influence américaine et les États-Unis sont prêts à protéger cette sphère-là contre les invasions entre guillemets soviétiques qui viendront pendant la guerre froide. Cuba est survenu, alors on a été pris de court un peu et on s'est dit, pas une deuxième fois. Alors c'est très important de s'assurer que cette deuxième fois-là n'arrive pas. Mm-hmm. Et donc, au Chili, effectivement, quand Salvador Allende gagne les élections en 1970, c'est un peu la consternation parce qu'on se dit on ne peut pas se permettre un autre gouvernement socialiste, voire communiste, dans cette cour arrière qui est la nôtre, parce que, évidemment, c'est la théorie des dominos qui est à l'esprit de tout le monde. Alors, effectivement, la CIA va se croire investie d'une mission, c'est-à-dire déstabiliser ce gouvernement-là, et exactement comme on vient de l'entendre, c'est-à-dire empêcher le gouvernement d'Allende de gouverner d'une façon ou d'une autre. Et avoir sa tête, finalement, au bout du compte. Et c'est ce qui va arriver en 73, effectivement, parce que Pinochet va renverser le gouvernement et Allende va se faire tuer. Mm-hmm. Donc, et la CIA le fait effectivement de plusieurs façons, en termes économiques, mais aussi justement pour galvaniser les opposants, galvaniser les différences, les différents groupes qui sont contre Allende, parce qu'Allende n'était pas majoritaire non plus, loin s'en faut, quand il est arrivé au pouvoir. Alors, c'était facile à ce moment-là de trouver une brèche où s'engouffrer pour la CIA pour déstabiliser ce régime. Et le mode d'opération, c'est toujours un peu le même, c'est l'infiltration. On reste en Amérique latine avec notre prochain extrait, le père Oblat, Pierre Rivas, qui explique justement ce mode d'opération de la CIA, cette fois-là, en Bolivie, on est en 1970. Écoutez, je crois qu'elle doit fonctionner un peu comme tous les réseaux d'espionnage. Au début, je crois d'abord qu'elle passe nécessairement par l'ambassade américaine et que beaucoup de membres de la CIA sont simplement des personnes qui ont un emploi à l'intérieur de l'ambassade, emploi culturel, emploi financier, économique, secrétaire, qui que ce soit. Parce qu'on se sert aussi des Boliviens eux-mêmes. Oui, c'est évidemment le but qu'ils cherchent. Lorsqu'ils sont connus, lorsqu'après les réceptions avec droite et avec Pierre et Paul, ils commencent à se rendre compte qu'il y a peut-être des Boliviens qui ont besoin d'argent, des Boliviens qui n'ont pas tellement de volonté, des Boliviens qui ont une possibilité par leur place d'avoir un certain nombre de renseignements ou d'influence. Il est évident qu'ils cherchent à les corrompre et à les acheter. Rappelons-nous que la CIA est un organisme, autant qu'on le sache bien sûr, qui a pour but de s'infiltrer dans l'Amérique latine afin de contrôler l'économique et finalement le politique et de conduire les pays d'Amérique latine dans la même ligne que la politique américaine du Nord. Ah, ça, c'est intéressant, Karine Prémont. Ça montre vraiment très clairement que cette agence d'information de renseignement, la CIA, poursuit des objectifs économiques, politiques. Oui. Absolument. Donc, tous les pays d'Amérique latine qui souhaitent, dans les années 60-70, instaurer ne serait-ce qu'un semblant de réforme agraire ou quelque autre politique socialisante que ce soit, la CIA s'y rend. Et la Bolivie, c'est un bon exemple parce que la Bolivie, c'est le terrain où Castro et Cuba a décidé de poursuivre la révolution, d'exporter la révolution. Alors, Che Guevara va s'y rendre au milieu des années 60 pour mener une guérilla, pour renverser le gouvernement bolivien et instaurer un régime favorable au communisme. Et Guevara va d'ailleurs y trouver la mort en 1967. Et selon la petite histoire, là, il y a toujours des versions contradictoires sur ces événements-là parce que c'était pas aussi documenté à l'époque. Mais il semblerait que les militaires boliviens, quand ils ont trouvé Guevara, ont appelé la CIA pour savoir qu'est-ce qu'on fait de lui. Et la CIA aurait dit, ben écoutez, exécutez-le. On ne veut pas en faire un martyr. On ne veut pas faire de son lieu d'emprisonnement un lieu de pèlerinage. Alors voilà. Et ce qu'on vient de décrire, ces assassinats politiques, ces renversements de régime, la contribution de la CIA au renversement de certains régimes, ça va faire partie de ce grand scandale que va révéler le New York Times en 1974, qu'on appelle bijoux de famille, les bijoux de famille de la CIA. On écoute un extrait parce que 74, on découvre ça, mais des années plus tard, on continuera d'avoir des précisions, les documents seront déclassifiés. Reportage de Muriel Béas là-dessus en 2007. Le dossier de la CIA est ironiquement baptisé « Family Jewels », littéralement « bijoux de famille ». Des documents compilés à la demande du directeur de la CIA en 1973, à la suite du scandale du Watergate qui avait mené à la démission de Richard Nixon, aux heures sombres de la guerre froide. On y découvre que la CIA a comploté en vue de l'assassinat de dirigeants étrangers, notamment le président cubain Fidel Castro. Il y est aussi question de la surveillance du courrier de l'actrice engagée Jane Fonda. Les agents de la CIA ont également infiltré des mouvements pacifistes et fiché plus de 9000 Américains. Et plusieurs journalistes et éditorialistes en vue à l'époque, tels que Jack Anderson, ont été mis sur écoute. Certaines de ces activités étaient déjà connues, mais presque 700 pages devraient être déclassifiées la semaine prochaine. Et ce sont les détails, les méthodes utilisées qui accablent la CIA. Ce grand déballage de secrets était réclamé depuis des années par les historiens. L'actuel directeur de la CIA, Michael Hayden, affirme que ces documents offrent un aperçu d'une époque très différente et d'une agence très différente. Muriel Béas, Radio-Canada, Montréal. Ah, Karine Prémont, c'est énorme cette affaire-là. Ça sort d'une première fois en 1974, oui. Puis il y aura toutes les suites avec la déclassification des documents. Mais c'est vraiment, ça fait scandale. Ça fait scandale parce que c'est là où on se rend compte du pouvoir de la CIA. C'est là où on se rend compte à quel point elle est infiltrée partout, à quel point, en fait, comme on le disait un peu au début, elle influence la politique étrangère américaine. Elle ne se contente pas de collecter l'information, elle ne se contente pas d'analyser ces informations-là et de faire des rapports comme elle devrait le faire, mais elle agit directement sur la politique américaine à l'étranger. Et fait parfois le sale boulot des présidents des États-Unis. Et c'est ce que plusieurs analystes observent à ce moment-là en disant, ben, finalement, la CIA sert aux présidents à accomplir ce boulot-là qu'ils ne peuvent pas autrement faire. Et effectivement, la CIA va se lancer dans un paquet d'opérations tout à fait illégales. Dans le reportage, on parlait d'espionner des citoyens américains, de ficher des citoyens américains. C'est interdit. La CIA ne peut pas faire ça. Elle n'a pas de juridiction sur le sol américain. On parle de journalistes qui sont épiés, qui sont surveillés, effectivement, selon des listes. On parle de saisie de courriers. On parle d'infiltration de groupes pacifistes pendant le Vietnam. Ça aussi, c'est illégal. On ne peut pas surveiller les citoyens américains quand on est la CIA. À la fin de ce reportage, Muriel Béaz fait remarquer que le directeur de l'époque de la CIA dit « Oui, mais ça, c'est une autre époque. C'est une autre organisation, l'organisation d'une autre époque. Dans les faits, la CIA d'aujourd'hui, est-ce que les choses ont dans quelle mesure les choses ont changé, Karine Prémont? Ben écoutez, les choses évidemment ont changé un peu. On n'est plus et là on n'a pas parlé du renversement au Guatemala, on n'a pas parlé de l'Iran, on n'a pas parlé de la tentative d'assassinat de Lumumba au Congo. On n'a pas parlé de ça, mais la CIA de cette époque-là, effectivement, allait vraiment très, très loin et elle s'est fait taper sur les doigts suite aux commissions qui ont été mises sur pied par le Congrès, suite aux révélations du New York Times. Donc, le rapport de ces commissions-là a été classifié pendant un certain temps, donc c'est pour ça qu'en 2007, là, il a fallu attendre ce moment-là pour avoir l'ensemble de l'information. Et il y a une série de mesures d'ordre exécutif présidentiel quelquefois, de lois dans d'autres circonstances, pour limiter l'action du Congrès, pour la rendre imputable à tout le moins à un certain groupe de sénateurs, non pas à l'ensemble des sénateurs et des représentants, parce qu'on ne peut pas imaginer que les secrets se conserveraient à ce moment-là, mais un petit groupe de sénateurs et de représentants surveille un peu plus étroitement les activités de la CIA. Donc, on a essayé de rendre davantage imputable la CIA aussi face au président. On a essayé de rendre certaines parties de leur budget plus transparente, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est que depuis les fuites d'Edward Snowden, il y a quelques années, qu'on sait à peu près, à tout le moins, qu'on a une bonne idée du budget de la CIA et du nombre de personnes qui travaillent à la CIA. Auparavant, c'était tout à fait secret, ces choses-là. Donc, on a tenté, on a évidemment fait des lois pour interdire l'assassinat politique, parce qu'évidemment, on devait s'imaginer que ça allait de soi, mais finalement, non. Donc, on a élaboré un paquet de lois, de mesures, de restrictions pour augmenter cette imputabilité de la CIA. Karine Prémont, professeure de sciences politiques à l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup, Karine. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.